Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Constitution apostolique, ineffabilis Deus, du bienheureux pape Pie IX, pour la définition et la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. Premier point, exposé du sentiment de l'Église. Marie fut toujours sans aucune tache. Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et vérité, dont la volonté est toute puissante, dont la sagesse atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre avec une force souveraine, et dispose tout avec une merveilleuse douceur, avait prévu de toute éternité la déplorable ruine en laquelle la transgression d'Adam devait entraîner tout le genre humain. Et dans les profonds secrets d'un dessein caché à tous les siècles, il avait résolu d'accomplir, dans un mystère encore plus profond, par l'incarnation du Verbe, le premier ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du démon, ne périt pas, contrairement au dessein miséricordieux de son Créateur, et que la chute de notre nature, dans le premier Adam, fût réparée avec avantage dans le second. Il destina donc, dès le commencement et avant tous les siècles, à son Fils unique, la mère de laquelle, s'étant incarnée, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Il la choisit, il lui marqua sa place dans l'ordre de ses desseins, il l'aima par-dessus toutes les créatures, d'un tel amour de prédilection qu'il mit en elle, d'une manière singulière, toutes ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa divinité, il la combla, bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes, et l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune tache, entièrement exempte de l'esclavage du péché, toute belle, toute parfaite, et dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté, qu'on ne peut, au-dessous de Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Deuxième point, raison suprême de ce privilège, la maternité divine. Et certes, il convenait bien qu'il en fût ainsi, il convenait qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de la tache du péché originel, et qu'elle remportât ainsi le plus complet triomphe sur l'ancien serpent, cette mère si vénérable, elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner son Fils unique, celui qui l'engendre de son propre sein, qui lui est égal en toutes choses et qui l'aime comme lui-même. Et de le lui donner de telle manière qu'il fût naturellement un même unique et commun Fils de Dieu et de la Vierge, elle que le Fils de Dieu lui-même avait choisie pour en faire substantiellement sa mère. Elle, enfin, dans le sein de laquelle le Saint-Esprit avait voulu que, par son opération divine, fût conçu et naquit celui dont il procède lui-même. Troisième point, son degré de certitude, c'est une vérité révélée. Cette innocence originelle de l'Auguste Vierge, si parfaitement en rapport avec son admirable sainteté et avec sa dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Église catholique, qui est toujours enseignée par l'Esprit-Saint, est la colonne et le fondement de la vérité, l'a toujours possédée comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée dans le dépôt de la révélation céleste. Aussi, par l'exposition de toutes les preuves qui la démontrent, comme par les faits les plus illustres, elle n'a jamais cessé de la développer, de la proposer, de la favoriser chaque jour davantage. C'est cette doctrine déjà si florissante dès les temps les plus anciens et si profondément enracinée dans l'esprit des fidèles et propagée d'une manière si merveilleuse dans tout le monde catholique par le soin et le zèle des saints évêques sur laquelle l'Église elle-même a manifesté son sentiment d'une manière si significative lorsqu'elle n'a point hésité à proposer au culte et à la vénération publique des fidèles la conception de la Vierge. Par ce fait éclatant, elle montrait bien que la conception de la Vierge devait être honorée comme une conception admirable, singulièrement privilégiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait à part et tout à fait sainte, puisque l'Église ne célèbre de fête qu'en l'honneur de ce qui est saint. C'est pour la même raison qu'empruntant les termes mêmes dans lesquels les divines Écritures parlent de la sagesse incréée et représentent son origine éternelle, elle a continué de les employer dans les offices ecclésiastiques et dans la liturgie sacrée, et de les appliquer au commencement même de la Vierge, commencement mystérieux que Dieu avait prévu et arrêté dans un seul et même décret, avec l'incarnation de la sagesse divine.